La France se fait partout l'avocat inlassable d'un nouvel ordre économique plus équitable, moins désordonné, afin d'obtenir de la communauté internationale des prix justes, stables pour vos produits. Et vous pouvez compter sur la France pour continuer de combattre de la même façon contre les égoïsmes ou les impérialismes qui menacent à la longue de faire glisser l'ensemble de l'économie mondiale dans l'abîme. D'ores et déjà, la France a décidé de consacrer en 1983 plus de 20 milliards de francs d'aide au développement, soit cette fois-ci 0,52% de notre PNB, et nous voulons agir sans autre délai pour les pays les moins avancés. Faut-il rappeler que dès 1964, les Nations Unies avaient fixé à 0,7% de leur produit national brut le montant que les pays riches devaient consacrer à l'aide publique au développement. En cette fin de siècle, seuls la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et le Luxembourg respectent cette recommandation. D'où la nécessité pour les pays en voie de développement de diversifier le plus possible l'éventail des partenariats. Ce dont témoigne au micro de RFI en décembre 1997 le président du Mali, Alpha Oumar Konaré, au lendemain d'une visite du Premier ministre français Lionel Jospin.